إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On commence donc aujourd'hui l'étude d'un livre d'une grande importance qui concerne la plus importante des adorations qui nous a été légiférée après les deux attestations de foi, qui n'est autre que la prière. Ce livre est le livre d'un grand imam, le grand savant du hadith de notre époque, le Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Et ce savant, en plus de sa grande science qu'il avait dans le hadith, il avait également une grande science en ce qui concerne le fiqh, la jurisprudence islamique, comme le démontrent nombre de ses ouvrages, et parmi ceux-ci, celui dont on va commencer l'étude aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Et l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, a été considéré comme tel par les savants de son époque. À titre d'exemple, l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit à son sujet, « Nasiruddin al-Albani fait partie de l'élite de nos frères connus. Je le connais depuis longtemps et il fait partie des meilleurs savants. C'est un des adeptes de la bonne croyance et il fait partie de ceux qui ont consacré leur temps au noble hadith et au service de la sunnah. Il mérite donc le respect et la considération religieuse et il mérite que l'on profite de ses livres et que l'on en tire bénéfice. Et il dit, rahimahullah, et moi-même j'en tire profit. » Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il ne dit à moi-même, je tire profit des livres de Cheikh al-Albani. Il dit, j'ai consulté nombre de ses ouvrages. Ce sont des livres profitables. Et c'est un frère vertueux, un adepte de la sunna. Quant à l'imam al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit au sujet de Cheikh al-Albani, al-Albani est un homme parmi les adeptes de la sunna, qui défendent la sunna. Et c'est un imam dans le hadith, nous ne connaissons personne qui lui équivaut à notre époque. Et l'imam al-Wadi'i, rahimahullah, le Cheikh Mugbil ibn Hadi al-Wadi'i, le grand savant du hadith du Yémen, il dit au sujet de Cheikh al-Albani, c'est l'imam de son époque dans la science du hadith. Donc ces éloges, elles nous montrent le rang éminent qu'avait l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, auprès des gens de science de son époque. Et si tel est son rang, il n'y a pas de doute qu'il convient pour nous de profiter de ses ouvrages, comme l'a dit le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et parmi ces ouvrages qu'il a écrits, il y a ce livre, la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du premier takbir aux salutations finales, comme si tu la voyais. Ce livre est un ouvrage de référence en ce qui concerne la description de la prière. Combien de musulmans, à travers le monde, ont appris la prière en se servant de cet ouvrage? Ils peuvent certainement se compter par centaines de milliers si ce n'est pas plus. On va donc commencer la lecture de cet ouvrage avec de courtes explications et annotations, incha'Allah ta'ala, et j'ai choisi pour ce cours de m'appuyer directement sur le livre qui est déjà traduit en français afin de vous en faciliter le suivi. On va donc directement commencer à lire l'introduction qui est à la page 11. Il dit, rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Introduction de la première édition. Louange à Allah qui a rendu la prière obligatoire à ses serviteurs, leur a ordonné de la célébrer et de l'accomplir correctement. Il a fait de l'humilité dans la prière une cause de succès et de réussite, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ont certes obtenu le succès des croyants, ceux qui font preuve d'humilité dans leur prière. Il a fait de l'humilité dans la prière une cause de succès et de réussite, une distinction entre la croyance et la mécréance, comme il est venu dans le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la différence qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire entre les musulmans et les polythéistes, c'est la prière, quiconque la délaisse a certes mécru. Il dit ensuite, rahimahullah, et un acte qui éloigne de la turpitude et de tout ce qui est blâmable, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Certes, la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Donc, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, dans cette courte introduction, Il a rappelé ses jugements qui sont mentionnés dans les textes du Coran et de la Sunna. Il dit ensuite, la prière et le salut vont sur notre prophète Mohammed, à qui Allah, qu'il soit glorifié, a dit, « Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhim. » Et vers toi, nous avons fait descendre le rappel, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre vers eux. Qu'est-ce qui est visé dans ce verset? Ce qui est visé dans ce verset, c'est la révélation de la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le Coran, mais il lui a aussi révélé la Sunna, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam expose clairement aux gens ce qui a été descendu vers eux, qu'il leur expose clairement ce qui est mentionné dans le Coran. En effet, il n'est pas possible pour la personne d'accomplir la prière telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, si ce n'est par l'étude de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas possible pour la personne de s'acquitter de sa zakat comme Allah subhanahu wa ta'ala le lui a ordonné, si ce n'est en étudiant la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite avec les autres adorations comme le jeûne, le pèlerinage et tout ce qui s'ensuit. Il est donc impératif pour le musulman de puiser sa religion du Coran, mais aussi de la Sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfaitement accompli sa tâche et la prière était parmi les choses les plus importantes qu'il a expliquées, par oral et en pratique. C'est-à-dire qu'il a expliqué oralement les règles de la prière, mais il a expliqué également de par sa mise en pratique de cette prière. Il dit, rahimahullah, il a même prié une fois sur le minbar, se levant et s'inclinant dessus, puis s'est adressé aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum en disant, j'ai fait cela pour que vous me suiviez et appreniez ma prière. C'est-à-dire afin que les compagnons puissent le voir, comment il priait, quels étaient les gestes et les positions qu'elle adoptait dans sa prière. Et on va revenir sur ce sujet, inshallah, lorsqu'on arrivera au chapitre qui est lié à ce sujet. Il dit ensuite, rahimahullah, il nous a ordonné de suivre son exemple dans la prière, lorsqu'il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné cela à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Mais cet ordre s'adresse également à l'ensemble de la communauté. De prier comme nous avons vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Certes, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier de leurs yeux. Quant à nous, nous le voyons prier à travers ce qui nous est rapporté d'eux dans sa sunnah. C'est-à-dire qu'à travers les hadiths qui nous sont rapportés des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, nous décrivant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons nous soumettre à cet ordre en priant comme si nous avions vu prier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de là qu'a tiré le shaykh rahimahullahu ta'ala le titre de son ouvrage, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du premier takbir aux salutations finales, comme si tu la voyais. C'est-à-dire tu la vois à travers les hadiths authentiques rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, rahimahullah, il a également annoncé à celui qui accomplit sa prière, conformément à la sienne, qu'il obtiendra la promesse d'Allah de rentrer au paradis. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a rendu obligatoire 5 prières. Celui qui fait parfaitement ses ablutions, puis les accomplit à l'heure, et fait convenablement leurs inclinations et leurs prosternations avec humilité, à la promesse d'Allah qui lui pardonnera. Quant à celui qui ne le fait pas, il n'a aucune promesse d'Allah, il lui pardonnera s'il le veut, ou il le châtiera s'il le veut. Ensuite, il dit, rahimahullah, la prière et le salut vont également vers la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons pieux et obéissants, qui nous ont transmis ses actes d'adoration, sa prière, ses paroles et ses gestes, et ont fait de lui leur seule référence et leur seul exemple. Enfin, la prière et le salut vont sur tous ceux qui ont suivi leur chemin et emprunté leur voie jusqu'au jour de la résurrection. Il dit ensuite, rahimahullah, après cette introduction, lorsque j'ai achevé la lecture et l'explication du chapitre du livre At-Targhib wa At-Tarhib d'Al-Hafidh al-Mundhiri, qu'Allah lui fasse miséricorde, que j'avais entamé avec quelques-uns de nos frères salafis il y a 4 ans, nous avons tous pu ressentir la valeur et l'importance dont jouit la prière dans l'islam. En effet, la prière, comme on l'a déjà mentionné, et on l'a vu dans plusieurs hadiths, notamment le hadith de Jibril, et également le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, c'est le deuxième pilier de l'islam. Il n'y a rien de plus important en islam, après le tawhid, que l'accomplissement de la prière. C'est ce qui vient tout de suite après les deux attestations de foi. Il dit donc, rahimahullah, nous avons également vu ce que la personne qui l'accomplit correctement aura comme récompense et rétribution, et que ceci varie selon que la prière ressemble beaucoup ou peu à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il a lui-même fait allusion à cela lorsqu'il a dit « Le serviteur accomplit certes une prière, mais il n'en lui en sera comptabilisé que le dixième, le neuvième, le huitième, le septième, le sixième, le cinquième, le quart, le tiers ou la moitié. » Subhanallah. Tu accomplis ta prière, mais en réalité, tu n'obtiens qu'une partie de la récompense de ta prière. Nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du dixième à la moitié. Et le cheikh rahimahullahu ta'ala, il nous indique ici une chose importante. Parmi les choses qui font la différence entre ces récompenses, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, selon si ta prière ressemble beaucoup ou peu à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus ta prière ressemble à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus la récompense de cette prière sera grande. Et moins elle ressemble à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, moins la récompense sera grande. Il est donc important pour nous d'accorder une grande attention à cela, à l'étude de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir tirer pleinement la récompense de nos prières. Et plus tu vas faire des efforts dans cette connaissance, dans la connaissance de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en faisant des efforts dans la mise en pratique de ce que tu auras appris, plus tu pourras obtenir une plus grande récompense lors de tes prières par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc ensuite, rahimahullah, j'ai donc attiré l'attention de mes frères sur le fait qu'il n'est possible d'accomplir la prière parfaitement, ou presque, que si l'on connaît la description détaillée de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses obligations, ses règles, ses différentes positions et ses invocations, et que l'on veille par la suite à appliquer cela dans l'accomplissement de notre prière. Il ne suffit pas d'apprendre ces règles seulement. Il ne suffit pas de lire le livre, de connaître. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi dans sa prière. Il disait ceci et cela. Il se tenait ainsi. Puis ensuite, tu ne mets pas cela en pratique. Non, ce qui est attendu de toi, c'est que tu apprennes cela, puis que tu le mettes en pratique. Comme on l'a vu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a étudié les hadiths al-Nawawi, Al-Qur'an hujjatun laka alayk. Le Coran, c'est une preuve pour ou contre toi. On a expliqué déjà que c'est une preuve pour toi si tu le mets en pratique, et une preuve contre toi si tu ne le mets pas en pratique et que tu t'en détournes. De la même manière, en ce qui concerne la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et entre dans cela, les règles de la prière. Si tu les apprends, mais que tu ne les mets pas en pratique, alors cela sera une preuve contre toi. Mais ce qui est attendu de toi, et la finalité, c'est que tu apprennes ces choses afin de les mettre en pratique pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, c'est seulement dans ce cas que nous pouvons espérer que notre prière nous préserve de la turpitude et du blâmable, et que la récompense qui a été rapportée à ce sujet nous soit attribuée. Seulement si on l'accomplit conformément à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et avant cela, sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Car comme vous le savez, ceci sont les deux conditions de l'acceptation des œuvres. Que tu les accomplis sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. En ne lui donnant aucun associé dans celle-ci, en ne faisant aucune ostentation, en ne recherchant pas les éloges des gens, et que tu accomplisses cette prière conformément à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, rahimahullah, toutefois, cette connaissance détaillée de la prière n'est pas chose facile pour la plupart des gens, et même pour beaucoup de savants, car ils se limitent à une seule école juridique, à un seul madhab. Or, toute personne qui s'occupe de restaurer la sunna pure, en rassemblant et en étudiant les hadiths, se rend compte facilement que chacune des écoles contient des traditions des sunan qui n'existent pas dans les autres, et qu'elles contiennent toutes des hadiths faux rapportant des actes ou des paroles que l'on ne peut pas attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici le cheikh rahimahullah ta'ala, ce qu'il a dit et qui a été traduit par des hadiths faux rapportant des actes ou des paroles que l'on ne peut pas attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elles contiennent toutes des hadiths dont l'attribution au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas authentique, c'est-à-dire des hadiths faibles ou des hadiths inventés. Il dit, rahimahullah, ceci est encore plus vrai dans les livres des auteurs récents, que l'on voit souvent attribuer catégoriquement ces hadiths au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ces raisons d'ailleurs que les savants du hadith, qu'Allah les rétribue amplement, ont analysé les livres les plus connus parmi ces livres de jurisprudence afin de montrer si les hadiths qu'ils contiennent sont authentiques, fiables ou inventés. Puis il a cité un certain nombre de ces livres. Et il dit, et bien d'autres livres dont il serait trop long de citer tous les titres. Donc on voit à travers cette parole du Shir, rahimahullah ta'ala, l'importance de la science du hadith. En effet, nombre de livres traitant de la jurisprudence contiennent de nombreux hadiths qui ne sont pas authentiques. Combien de livres, même parmi des livres réputés et propagés au sein des musulmans, contiennent des hadiths qui ne sont pas reportés authentiquement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'est donc pas permis de lui attribuer? C'est pour cela qu'il est important de revenir à ces livres qui ont été vérifiés par des savants du hadith, à l'exemple de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, et d'autres qui ont accompli des travaux similaires à ce sujet. Quant à ceux qui étudient le fiqh, la jurisprudence, en se basant seulement sur les livres traitant de ce sujet de manière restreinte à une école juridique, alors celui-ci, il ne sera pas à l'abri d'apprendre des choses qui ne sont pas confirmées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à celui qui revient aux gens du hadith, aux spécialistes dans le sujet, qui font des efforts afin de n'attribuer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que ce dont ils ont la conviction que cela est authentiquement rapporté de lui. Il dit, rahimahullah, je disais donc que puisque la plupart des gens ne sont pas capables de connaître de façon détaillée la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai écrit ce livre afin qu'ils l'apprennent et puissent suivre sa voie en espérant la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui a dit, celui qui appelle vers une bonne œuvre aura une récompense équivalente à la récompense de tous ceux qui l'auront suivi, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la pleine récompense à l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala pour ce livre qui a été la cause de guider de nombre de musulmans quant à la manière d'accomplir leurs prières. Ensuite, dans les pages qui suivent, le shir rahimahullah ta'ala, il a détaillé un peu plus la raison qui l'a poussé à écrire ce livre afin que les gens puisse mettre en pratique cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Puis il nous a décrit la grande rigueur qu'il a tenue dans la sélection des hadiths qu'il a mentionnés dans ce livre et qu'il a fait des efforts afin de s'assurer que les hadiths qu'il mentionne sont bien des hadiths authentiques rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a délaissé tous les hadiths faibles. On va passer ensuite à la lecture du passage sur la méthodologie du livre, c'est-à-dire la méthodologie que le cheikh rahimahullah ta'ala a empruntée dans l'écriture de ce livre. Et ceci est à la page 21. Il dit rahimahullah, le sujet du livre étant de montrer la manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est évident que je ne m'y limiterai pas à une école, à un madhhab, que je ne m'y limiterai pas à une école donnée pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. C'est-à-dire qu'en se limitant à un madhhab, tu n'es pas à l'abri d'attribuer des choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas rapportées authentiquement de lui. Donc c'est pour cela que le shir rahimahullah ta'ala ne s'est pas limité à un madhhab. Il dit, je n'y mentionne que ce qui était rapporté de manière sûre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément à la méthode des savants du hadith, al-muhaddithin, anciens et contemporains. D'ailleurs, un poète a très bien dit, les savants du hadith sont les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils ne l'ont pas accompagné, ils accompagnent ces paroles, c'est-à-dire par leur connaissance de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ce livre regroupera, si Allah le veut, ce qui est dispersé dans les livres du hadith et de fiqh de différentes écoles, en rapport avec le sujet, car aucun livre, ni aucune école n'a rassemblé ce qu'il contient comme vérité. Celui qui mettra en pratique le contenu de ce livre sera, si Allah le veut, parmi ceux qu'Allah a guidés, لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Il sera, si Allah le veut, parmi ceux qu'Allah a guidés vers cette vérité sur laquelle les autres se disputaient avec sa permission, et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Il dit ensuite, rahimahullah, lorsque je me suis imposé cette méthodologie, à savoir le fait de m'attacher à la sunna authentique, que j'observe dans ce livre et dans les autres qui vont être publiés si Allah le veut, je savais que ceci n'allait pas plaire à tous les groupes, ni à toutes les écoles, et que certains parmi eux, ou même la plupart d'entre eux, allaient lever leurs plumes pour me faire des reproches et activer leur langue pour me critiquer. Mais ceci ne m'importe peu, car je sais qu'obtenir la satisfaction de tous les gens est un objectif irréalisable, et que celui qui cherche à satisfaire les gens en provoquant la colère d'Allah, Allah l'abandonne aux gens, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez cette détermination à suivre avec ferveur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe le nombre de gens qui s'opposent à lui, peu importe les gens qui le critiquent et qui écrivent des livres ou des paroles ou des articles pour le rabaisser et s'attaquer à lui. Peu importe tout cela. Le shir, rahimahullah ta'ala, il nous dit « Je sais que je ne pourrai pas obtenir la satisfaction de tous les gens. » Et telle est la réalité. Il n'est pas possible pour toi d'obtenir la satisfaction de tous les gens. Ceci est irréalisable. La satisfaction des gens est une chose qui ne peut être atteinte, comme l'a mentionné l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui cherche à satisfaire les gens en provoquant la colère d'Allah, en délaissant la vérité qui lui est parvenue, en délaissant les choses dont il est convaincu parmi les choses de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont il a pris connaissance des preuves du livre, du Qur'an, et des preuves de la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui est pas permis de délaisser cela pour plaire à quiconque parmi les créatures. Mais il s'accroche fermement au livre et à la sunna. Car s'il délaisse cela pour obtenir la satisfaction des gens, alors il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah l'abandonnera aux gens. Alors que s'il fait l'inverse, qu'il délaisse la satisfaction des gens pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah sera satisfait de lui et il fera que les gens soient satisfaits de lui également. Donc on doit suivre cet exemple de fermeté sur la sunna que nous ont montré les savants parmi les adeptes de la sunna et du groupe. Il dit ensuite, rahimahullah, qu'Allah augmente le bien de celui qui a dit « Je ne suis jamais à l'abri de la critique, même si j'étais dans la grotte d'une montagne difficile. Et qui est celui qui échappe à la malveillance des gens, même s'il se cache entre les plumes d'un aigle ?» Quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui vont trouver une raison de te critiquer. Donc toi, ton seul objectif, cela doit être la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où tu accomplis un acte, que tu prononces une parole, que tu fais une chose dont tu as la ferme conviction qu'elle satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, alors place ta confiance en lui et ne te soucie pas des gens. Même si l'ensemble des gens s'opposent à toi, à partir du moment où tu es sûr d'être sur la vérité, tu restes ferme sur cela et tu te rappelles de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra comme quelque chose d'étrange. » Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers qu'ils auront tout bas, un arbre parmi les arbres du paradis. Il dit ensuite, rahimahullah, « Mais il me suffit d'être certain que ce chemin est le droit chemin. » Comme on l'a dit, tu as la ferme conviction d'être sur le droit chemin. « Qu'Allah a ordonné aux croyants de suivre et que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des messagers, a exposé clairement. C'est ce chemin qu'ont emprunté nos pieux prédécesseurs, comme les compagnons du prophète, radiyallahu ta'ala anhum, les successeurs, at-tabi'in, et ceux qui sont venus après eux. Donc les successeurs, at-tabi'in, ce sont ceux qui ont pris la science des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et ceux qui sont venus après eux. Parmi eux, il y a également les imams des quatre rites, c'est-à-dire des quatre écoles, auxquelles appartiennent la plupart des musulmans aujourd'hui. Tous ces imams sont unanimes sur l'obligation de s'attacher et de se référer à la sunna, et de délaisser toute parole la contredisant, quel que soit le degré de celui qui l'a dite, car le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sûrement plus élevé et sa voix plus droite. C'est-à-dire que la chose que tu dois faire prévaloir, c'est le jugement d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit le savant, quel que soit l'imam qui prononce un jugement sur une quelconque question religieuse, si sa parole s'oppose au texte du livre et de la sunna, alors sa parole est rejetée. Peu importe son rang, car le rang du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est bien plus éminent que le sien. Il dit, rahimahullah, c'est pour ces raisons que j'ai emprunté leur voie, la voie des imams, des salafs, que j'ai suivi leurs traces et que j'ai obéi à leur ordre de s'attacher au hadith, même si celui-ci est en désaccord avec leurs propres opinions. Ce sont leurs propos qui m'ont poussé à emprunter cette voie droite et à me détourner de l'imitation aveugle. Je demande à Allah qu'il les rétribue de la meilleure manière pour ce qu'ils ont fait. Donc on voit à travers cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a fait le choix de ne suivre dans l'écriture de ce livre que ce qui est confirmé authentiquement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas se restreindre à une école juridique particulière. Et il nous dit qu'en réalité, en faisant cela, il a suivi la voie de l'ensemble des imams. Les quatre imams des écoles les plus réputées parmi les musulmans et auxquelles appartiennent la plupart des musulmans aujourd'hui, comme le cheikh rahimahullah ta'ala l'a mentionné. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, rahimahumullah ta'ala. Et dit, ce sont leurs paroles qui m'ont poussé à emprunter cette voie droite. Et il va donc nous mentionner certaines de ces paroles qui l'ont poussé à emprunter ce chemin. On voit à partir de la page 24 que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné les propos des quatre imams concernant le fait de suivre la sunna et de délaisser leurs opinions si elles la contredisent, c'est-à-dire si elles contredisent la sunna. Il dit rahimahullah, il serait utile de rapporter ici quelques-unes des citations des quatre imams que j'ai pu trouver. Peut-être seront-elles une exhortation et un rappel pour ceux qui les imitent ou imitent même aveuglément des gens qui sont moins savants qu'eux et suivent leurs paroles comme si elles descendaient du ciel. Or Allah, qu'il soit glorifié, dit « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkaroun » Suivez ce qui était révélé de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner ici des paroles des quatre imams, dans lesquelles ils appellent tous, à l'unanimité, à délaisser leurs avis si leurs avis s'opposent à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en prenant connaissance de cela, il n'y a pas de doute que tu vas te rendre compte de l'erreur flagrante de ceux qui appellent aujourd'hui à se restreindre à une école juridique particulière. Il commence par citer les paroles de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Il dit, le premier d'entre eux est l'imam Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit, rahimahullah. Ses compagnons ont rapporté de lui divers propos qui convergent tous vers une même réalité. L'obligation de suivre le hadith et de délaisser les avis des imams qui sont en désaccord avec celui-ci. Donc la première parole qu'il a mentionnée, c'est la parole d'Abu Hanifa qui a dit, rahimahullah, si le hadith est authentique, alors c'est mon opinion. C'est-à-dire, même s'il n'en a pas connaissance, sachez que si le hadith est authentique, c'est l'opinion d'Abu Hanifa, rahimahullah. Cheikh Al-Albani dit dans la note de bas de page que vous retrouvez, page 25, j'ajoute, ceci est la preuve de la perfection de la science et de la crainte d'Allah de ses savants, car il souligne bien qu'ils ne connaissent pas intégralement la sunna. En effet, ils n'avaient pas connaissance intégrale de tout ce qui est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est ce que déclare l'imam Shafi'i, rahimahullah, comme on le verra plus loin. Ainsi, il se peut que ces imams émettent des avis qui sont en désaccord avec la sunna, qui ne leur est pas parvenue. Et c'est pourquoi ils nous ont ordonné de nous y accrocher et de la considérer comme faisant partie de leur opinion. Qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. Donc les imams, il se peut qu'ils avaient des avis qui s'opposaient à la sunna. Pourquoi? Car ils n'avaient pas connaissance de ces hadiths. Certains de ces hadiths n'étaient pas confirmés auprès d'eux ou ne leur étaient pas parvenus. Donc, ils ont informé à leurs élèves que si leurs opinions étaient contraires à un hadith dont ils pourraient prendre connaissance par la suite, alors de s'accrocher au hadith et de délaisser leurs opinions. Il dit, rahimahullah, dans la deuxième parole que le cheikh a citée, « Il n'est permis à personne d'adopter mon opinion sans savoir d'où je l'ai tirée. » Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Et regardez en note de bas de page la parole de Cheikh Al-Albani. J'ajoute, si tel est leur jugement, concernant celui qui ne connaît pas leurs preuves, d'où l'imam Abu Hanifa a puisé son opinion. Il dit, rahimahullah, alors quels seraient leurs propos concernant celui qui sait que le hadith est en désaccord avec l'opinion des imams et qui, malgré cela, juge selon cet avis en rejetant le hadith. Médite bien sur cette parole, car elle suffit à elle seule pour détruire l'imitation aveugle. Allahu Akbar. Elle suffit à elle seule pour détruire l'imitation aveugle. En effet, il y a des gens qui veulent suivre à tout prix un imam en particulier. Et ils suivent l'ensemble de ses avis. Et ils se restreignent à son école. Imam Abu Hanifa, il te dit, il n'est permis à personne d'adopter mon opinion sans savoir d'où je l'ai tiré. Aujourd'hui, tu vas vers certains suiveurs des écoles, tu leur dis, mais regarde, cette opinion, elle est contraire à ce qui est rapporté authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Écoute ce hadith. Regarde ce qu'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il te dit, non, moi, je suis le madhab maliki. Non, moi, je suis le madhab hanafi. Ou ainsi de suite. Il rejette le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En plus d'être en contradiction avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna authentique, ils sont en contradiction avec cet imam qu'ils prétendent suivre. Car il leur a interdit de faire cela, mais il leur a dit de s'accrocher à ce qui est confirmé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, rahimahullah, dans une autre version, il est interdit à toute personne, ne connaissant pas mes preuves, de se baser sur mon opinion pour émettre une fatwa. Et il a ajouté dans une autre version, car nous sommes des êtres humains, nous émettons un avis aujourd'hui et nous nous rétractons le lendemain. Il dit encore dans une autre version, malheur à toi, ô Ya'qub. Ya'qub, c'est-à-dire Abu Yusuf, on voit en note de bas de page, un des plus grands élèves d'Abu Hanifa, rahimahullah. Malheur à toi, ô Ya'qub, n'écris pas tout ce que tu entends de moi, car je peux avoir un avis aujourd'hui et le délaisser demain, ou avoir une opinion demain et la changer après-demain. Pourquoi? Car l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, se basait beaucoup sur l'analogie. Comme on le voit dans la note de bas de page de l'imam Al-Albani, rahimahullah. Regardez la note 2, où il dit, rahimahullah. L'imam Abu Hanifa fait cette remarque car il base souvent ses avis juridiques sur l'analogie, Al-Qiyas. Il arrivait qu'une autre analogie lui paraisse plus évidente que la première, ou qu'un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parvienne, ce qui le conduisait à délaisser son opinion précédente. Il changeait donc d'avis, étant donné qu'il se basait sur une analogie et non pas sur un texte. Alors, il se pouvait que, après réflexion, une autre analogie lui paraisse plus correcte. Alors il changeait d'avis. Ou alors un hadith lui parvenait qui venait annuler cette analogie. Alors il se basait sur le hadith qui lui était parvenu. Il dit, rahimahullah, toujours dans la note de bas de page, Al-Sha'rani dit dans son ouvrage Al-Mizan, notre conviction est la conviction de toute personne équitable à l'égard de l'imam Abu Hanifa, qu'Allah soit satisfait de lui, et que s'il avait vécu jusqu'à ce que la législation islamique, Sharia, ait été consignée par écrit, et que les savants du hadith aient rassemblé les hadiths éparpillés dans les diverses contrées musulmanes, il aurait sans aucun doute adopté les hadiths et délaissé toutes les analogies qu'il avait faites. L'utilisation de l'analogie aurait été alors aussi rare dans ses jugements qu'elle l'a été dans ceux des autres imams d'école. Mais comme les preuves de la charia étaient éparpillées à son époque parmi les successeurs, parmi les tabi'in, ceux qui ont pris la science des compagnons, et ceux qui les ont suivis, dans les villes et les villages, l'imam se vit dans l'obligation d'utiliser l'analogie plus souvent que les autres imams, car il ne possédait pas de texte concernant les questions qui se sont posées à lui. Par contre, à l'époque des autres imams, les savants du hadith avaient commencé à parcourir les villes et les villages, à la recherche des hadiths qu'ils ont rassemblés et consignés dans les recueils. Les hadiths de la charia ont pu ainsi se confirmer les uns les autres. Voici donc la raison pour laquelle l'analogie a été très utilisée dans les avis de cet imam et peu utilisée dans les autres écoles. Donc vous voyez pourquoi nombre des avis de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, étant basés sur l'analogie, peuvent parfois s'opposer au texte authentique rapporté dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il est excusé pour cela car il a fait ce qui était en ses capacités. Étant donné qu'il n'avait pas ses textes, il a fait ce qu'il pouvait et il a utilisé al-qiyas, l'analogie. Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit, j'ajoute, si telle était l'excuse d'Abu Hanifa pour ses désaccords involontaires avec des hadiths authentiques, et c'est une excuse valable, sans l'ombre d'un doute, car Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Il n'est donc pas permis de l'insulter comme le font certains ignorants. Bien au contraire, nous lui devons un profond respect, car il est un des imams des musulmans par lesquels cette religion a été préservée et nous est parvenue dans tous ses détails. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, sera récompensé, que son opinion soit juste ou fausse. De la même manière, il n'est pas permis à ceux qui le respectent de manière excessive de rester accrochés à ses opinions qui sont en désaccord avec la sunna, car ses opinions ne font plus partie de son avis, comme on l'a vu dans ses propos. Celles-ci sont les deux positions extrêmes, et la vérité se trouve entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui vont exagérer, qui vont s'accrocher aux avis de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, même si ceux-ci s'opposent au texte clair et authentique rapporté dans la sunna. Et d'autres qui vont voir nombre d'analogies s'opposer au texte et qui vont alors mépriser cet imam. Et ces deux extrêmes sont dans l'erreur. Et le juste milieu, c'est de respecter cet imam, de dire qu'il est excusé et récompensé pour les efforts et les analogies qu'il a faites, mais que nous devons obligatoirement délaisser ses avis qui s'opposent à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il mentionne ensuite une troisième parole de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, qui est sa parole « Si je dis une parole en désaccord avec le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sunna, alors rejetez ma parole. Rejetez ma parole. Si elle s'oppose au Coran et à la Sunna, alors rejetez ma parole. Donc si tu fais cela, en réalité, tu auras suivi cet imam, rahimahullah ta'ala. Et regardez la petite note 1, en bas de page, où l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit, en commentant cette parole, al-Fulani a dit, ces propos ne concernent pas le savant mujtahid, car il n'a pas besoin des avis des imams, mais cela concerne plutôt l'imitateur. Donc entre parenthèses, le traducteur nous a expliqué le sens de mujtahid. Il a dit, c'est-à-dire, celui qui a atteint un niveau de science et de compréhension, lui permettant de devenir indépendant des écoles et qui est capable de déduire lui-même les lois islamiques à partir des preuves textuelles. C'est-à-dire, le savant mujtahid, il va lui-même analyser les textes. Il va regarder le hadith, évaluer son authenticité et tirer des textes les règles religieuses. Et il nous dit ici, Al-Fulani, ces propos de l'imam Abu Hanifa, si je dis une parole en désaccord avec le livre d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors rejetez ma parole. Il ne s'adresse pas au savant mujtahid, car lui, il n'a pas besoin des avis des imams. Il va s'en servir, certes, mais il va analyser lui-même les textes et faire ses propres efforts de réflexion. Il dit, mais cela concerne plutôt l'imitateur. Aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, moi, je n'ai pas le niveau, donc je me contente de suivre un madhab. Je suis une école et je m'y conforme. Ya akhi, si tu suis réellement le madhab, alors l'imam du madhab te dit que si son avis s'oppose au hadith authentique, alors tu dois délaisser son avis et suivre le hadith. Et ceci est la parole de l'ensemble des imams, comme on va le voir à travers les paroles qu'il nous a citées, rahimahullah ta'ala. Et écoutez là ce qu'a rajouté l'imam al-Albani, rahimahullah. Il dit, j'ajoute, en se basant sur ce qui précède, Al-Sha'rani dit dans Al-Mizan, si tu te poses la question, après la mort de l'imam que j'imite, que faire des hadiths authentiques qui ne lui sont pas parvenus et qu'il n'a donc pas utilisés dans son jugement? Il y a des hadiths qui ne lui sont pas parvenus, qu'il n'a pas connus. Que fait-on de ces hadiths? Il dit, rahimahullah, la réponse est que ton devoir est d'appliquer ces hadiths, car si ton imam en avait pris connaissance et qu'il les avait jugés authentiques, il t'aurait sûrement ordonné de les appliquer, puisque tous les imams sont des prisonniers des textes de la charia. C'est-à-dire que leurs avis, ils sont soumis aux textes et ils dépendent des textes. Si un hadith vient, ils ne vont pas s'opposer au texte. Mais s'ils ont prononcé des avis qui s'opposent en apparence au texte, c'est qu'ils n'avaient pas connaissance de certains hadiths. Il dit ensuite, celui qui adopte cette attitude récoltera le bien à pleine brassée. Quant à celui qui dit, je n'applique un hadith que si mon imam l'a appliqué, il laisse passer un grand bien. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'imitateurs dans les écoles juridiques. Or, il est préférable pour eux d'appliquer tout hadith reconnu authentique après le décès de leur imam, conformément aux ordres de celui-ci. Je suis convaincu que si ces imams avaient vécu et avaient pris connaissance des hadiths qui ont été authentifiés après eux, ils les auraient sans aucun doute adoptés et appliqués et auraient délaissé toutes leurs analogies ou leurs paroles qui sont en désaccord avec ces hadiths. En effet, c'est à cela que les imams ont appelé comme l'imam Abu Hanifa et les autres, comme on va le voir, en lisant les paroles que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées. Il dit ensuite concernant l'imam Malik. Quant à l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, il a dit « Je ne suis certes qu'un être humain qui se trompe comme il peut avoir raison. Regardez donc attentivement mes opinions. Tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, prenez-le, et tout ce qui est en désaccord, rejetez-le. » Tout ce qui est en désaccord avec le Coran et la Sunna, rejetez-le. Ne vous accrochez pas à mes opinions si elles s'opposent aux deux sources de notre religion. Il dit ensuite, rahimahullah, les paroles de quiconque peuvent être soit acceptées, soit rejetées, sauf celles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il nous apporte un grand bénéfice ici en note de bas de page, au point numéro 2. Il dit, rahimahullah, cette parole est communément attribuée à l'imam Malik chez les contemporains. C'est-à-dire qu'en général, cette parole, on l'attribue à l'imam Malik, rahimahullah, comme on l'entend bien souvent chez nos savants. Il dit, elle a été authentifiée par Ibn Abd al-Hadi, dans Irshad al-Salik. Ibn Abd al-Barr la rapporte dans Al-Jami' et Ibn Hazm dans Usul al-Ahkam comme étant attribué à Al-Hakam ibn Utayba et Mujahid. Il dit, quant à Taqiyuddin al-Subki, il l'attribue à Ibn Abbas dans Al-Fatawa. Et a ajouté, en s'étonnant de la beauté de ses paroles, Mujahid a appris cette citation d'Ibn Abbas et Malik la reprise de Mujahid, mais elle est devenue célèbre depuis Malik. C'est-à-dire qu'il nous dit que cette parole, elle est en réalité de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Et Mujahid, qui est l'élève de Abdullah ibn Abbas, a appris cette parole de lui. Et Malik l'a apprise de Mujahid. et elle est devenue célèbre depuis Malik. Et c'est pour cela qu'elle est attribuée à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, nous dit ensuite, j'ajoute, puis l'imam Ahmed l'a reprise, comme l'a dit Abu Daoud, dans Masailu l'imam Ahmed, j'ai entendu Ahmed dire, il n'est pas une personne sans que ses paroles ne soient adoptées ou rejetées, excepté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On revient ensuite aux citations des paroles de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Il dit troisièmement, Ibn Wahb, rahimahullah ta'ala, a dit, j'ai entendu Malik se faire questionner sur le fait de frotter entre les orteils pendant les ablutions, c'est-à-dire de passer son doigt entre les orteils lors des ablutions. Il répondit, ceci n'est pas obligatoire. Alors ici, la parole, ceci n'est pas obligatoire, je pense, wallahu ta'ala a'lam, qu'il aurait été mieux de traduire, les gens n'ont pas à faire cela. Cela correspond mieux au sens de la parole originale en arabe. Les gens n'ont pas à faire cela, au lieu de, ceci n'est pas obligatoire. Il dit ensuite, rahimahullah, j'ai alors attendu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus beaucoup de monde autour de lui. Puis je lui ai dit, nous avons à ce propos une sunnah. Il dit, c'est-à-dire l'imam Malik, et quelle est-elle? Je dis, c'est-à-dire Ibn Wahb, Al-Layth ibn Sa'd, Ibn Luhay'a et Amr ibn al-Harith m'ont rapporté d'après Yazid ibn Amr al-Ma'afiri, d'après Abu Abd al-Rahman, qu'al-Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam frotter entre ses orteils avec son auriculaire pendant ses ablutions. L'imam dit alors, c'est-à-dire l'imam Malik, rahimahullah, ce hadith a une bonne chaîne de rapporteurs et je n'en ai pas eu connaissance jusqu'à présent. Par la suite, lorsqu'il était questionné à ce sujet, je l'entendais ordonner de frotter entre les orteils. Donc vous voyez comment les imams, rahimahumullah ta'ala, une fois que le hadith leur parvenait, leurs opinions changeaient immédiatement. Ils ne restaient pas volontairement dans l'erreur. Ils ne s'opposaient pas volontairement à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si un de leurs avis s'y opposait, c'est parce qu'ils n'avaient pas connaissance du hadith. Puis lorsqu'ils avaient connaissance du hadith, ils le délaissaient pour s'accrocher à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, rahimahullah, quant à l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, les citations qu'on rapporte de lui sont plus nombreuses et meilleures. Les gens parmi ses adeptes qui les ont mis en pratique sont plus nombreux que ceux qui ont suivi les autres imams. Ils ont donc été plus heureux. Parmi ces paroles, on peut citer. Premièrement, il n'y a pas une personne sans qu'une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui échappe. Quel que soit l'avis que j'émets, et quelle que soit la règle que j'énonce, s'il existe une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contredit ma parole, il faut alors revenir à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et moi-même je l'adopte. Tel est son avis. Il revient à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il ordonne aux gens qui sont devant lui, et qui écoutent ses paroles, et qui notent ses avis, que s'il découvre par la suite que ses avis s'opposent à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il faut les délaisser et s'accrocher à la sunna. Et lui-même revient de cette parole. Et il dit, rahimahullah, les musulmans sont unanimes pour dire qu'il est interdit à la personne à qui une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se présente de la délaisser pour l'opinion de quelqu'un d'autre. Qui qu'il soit. À partir du moment où tu as connaissance de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit de la délaisser pour l'avis de quiconque. Quel que soit le rang de ce savant, quel que soit le rang de cet imam, il est obligatoire pour toi d'accepter la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser l'opinion de quelqu'un d'autre. Il dit, rahimahullah, si vous trouvez dans mon livre des propos en désaccord avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, adoptez alors la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rejetez ce que j'ai dit. Et dans une autre version, il dit, suivez-la et n'accordez d'importance aux paroles de personne d'autre. Pas même laisser parole à lui-même, l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il dit ensuite, dans la quatrième citation, à la page suivante, « Si un hadith s'avère authentique, je l'adopte. » Il fait partie de son école, il fait partie de son madhab. Si le hadith est authentique, alors il délaisse l'opinion qu'il a pu avoir auparavant. Il dit, rahimahullah, « Tu es plus savant dans le hadith et la connaissance des rapporteurs du hadith que moi. » Donc on voit en note de bas de page que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il s'adresse ici à l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui était son élève. Il lui dit, tu es plus savant dans le hadith et la connaissance des rapporteurs du hadith que moi. Et écoutez ce qu'il lui demande par la suite. Si tu as un hadith authentique, fais-le moi savoir, quelle que soit son origine, Koufa, Basra ou Hasham, afin que je l'adopte s'il est bien authentique. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ne dit peu importe d'où vient ce hadith. S'il est authentique, je l'adopterai. Sans tenir compte de l'origine des gens qui le rapportent. Même si personne parmi les gens de son pays nous rapporte ce hadith à partir du moment où il est authentique, que sa chaîne de transmission est authentique jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il adopte ce hadith. Il dit aussi, rahimahullah, si un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avère authentique chez les savants du hadith, à propos d'une question sur laquelle j'avais émis un avis en désaccord avec ce hadith, alors je me rétracte de cet avis, et écoutez bien ici, cette parole elle est très importante, de mon vivant et après ma mort. De mon vivant et après ma mort. C'est-à-dire que s'il en a connaissance de son vivant, il s'en rétracte directement. Mais si cela n'est su qu'après sa mort, que les gens n'ont connaissance de ce hadith qu'après la mort de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, alors il nous dit de nous accrocher au hadith et que lui-même se rétracte de cet avis, même s'il n'est plus vivant. Et d'ailleurs, cela nous est rapporté au sujet de l'annulation des ablutions pour celui qui mange de la viande de chameau. L'imam Shafi'i rahimahullah, il est mort sans avoir connaissance de l'authenticité de ce hadith. Mais certains des adeptes de son école ont eu connaissance de ce hadith et de son authenticité. Ils ont alors adopté ce hadith et l'ont mis en pratique. À l'exemple de l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des savants qui ont suivi l'école de l'imam Shafi'i. Et il dit l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, à ce sujet, il est pour nous authentique, c'est-à-dire ce hadith. Et nous l'adoptons, et ceci est l'avis de Shafi'i. Pourquoi c'est l'avis de Shafi'i? Car il a dit, si le hadith est authentique, je l'adopte. Si le hadith est authentique, il fait partie de mon madhab. Ceci est mon opinion. Donc al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, il dit, il est pour nous authentique. Alors nous avons eu connaissance de l'authenticité de ce hadith. Nous l'adoptons, et ceci est l'avis de Shafi'i. Malgré que de son vivant, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il ne considérait pas le fait de manger de la viande de chameau comme étant un des actes annulatifs des ablutions. Mais malgré cela, l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, il nous dit ceci, le madhab de Shafi'i. Pourquoi? Car le hadith est authentique. Il dit ensuite, à la 7e citation, « Si vous me voyez donner un avis juridique contredisant un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors sachez que j'ai perdu la raison. » Et il dit aussi, rahimahullah, « Dans tout ce que je dis, s'il existe un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui me contredit, alors le hadith est plus en droit d'être suivi. Ne m'imitez donc pas aveuglément. » Et il dit enfin, « Tout hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mon avis, même si vous ne l'avez pas entendu de moi. » Même si lui ne s'est pas prononcé, qu'il n'en avait pas eu connaissance. Si toi, par la suite, tu as eu connaissance que ce hadith est authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors tu n'as pas le droit de délaisser le hadith pour l'avis de Shafi'i, ou de Malik, ou de Abu Hanifa, ou de Ahmad, et autres parmi les grands imams des salaf, rahimahumullah ta'ala. Ensuite, il va mentionner des propos de l'imam Ahmad, rahimahullah. Il dit, quant à l'imam Ahmad, il est des quatre imams, celui qui a rassemblé le plus de hadiths. En effet, il a écrit le Musnad, dans lequel il a recueilli des milliers de hadiths, et celui qui s'attachait le plus à la sunnah. Il le faisait à tel point qu'il détestait écrire des livres qui contiennent des déductions et des opinions personnelles. C'est pour ces raisons qu'il a dit, « Ne m'imite pas, ni moi, ni Malik, ni Shafi'i, ni Al-Awza'i, ni Al-Thawri, mais puise là où ils ont puisé. » Et dans une autre version, il a dit, « N'imite dans ta religion aucun de ces hommes. Prends tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Mais concernant ce qui vient de ceux qui les ont suivis, tu as le choix de prendre ou de laisser. » Et il a dit une fois, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à prendre tout ce qui vient de lui et de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Puis on a le choix de prendre ou de laisser ce qui vient des successeurs, c'est-à-dire tabi'in, et de ceux qui les ont suivis. Qu'est-ce que cela veut dire ici, la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala? Tu as le choix de prendre ou de laisser. On a le choix de prendre ou de laisser ce qui vient des successeurs et de ceux qui les ont suivis. C'est-à-dire que l'acceptation ou le rejet de leur parole, elle se fera en fonction de leur concordance avec les preuves, c'est-à-dire avec les textes du Coran et de la Sunna. Toutes leurs paroles et leurs jugements qui sont en accord avec les textes du Coran et de la Sunna et qui sont basés sur les textes du Coran et de la Sunna, alors il est obligatoire pour nous de nous conformer et de les accepter. Mais toutes leurs paroles et tous leurs jugements qui ne sont pas basés sur les textes du Coran et de la Sunna, alors ce ne sont pas des arguments en soi et nous devons les délaisser. Il dit aussi, rahimahullah, les opinions d'Al-Awza'i, de Malik et d'Abu Hanifa ne sont que des opinions et elles se valent toutes à mes yeux. Mais la preuve réside dans les hadiths. C'est-à-dire que leurs paroles, ce ne sont pas des arguments en soi. La parole du savant, ce n'est pas un argument. C'est une chose qui te permet de comprendre les textes, de comprendre les preuves. Mais ce n'est pas sa parole l'argument. L'argument, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi les savants ont été unanimes. Il dit aussi, rahimahullah, celui qui rejette un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est au bord de la perdition. Après avoir cité ces paroles des quatre grands imams, des quatre plus grandes écoles juridiques connues chez les musulmans, Imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit, telles étaient les paroles des quatre imams, qu'Allah soit satisfait d'eux, concernant l'ordre de s'accrocher aux hadiths et l'interdiction de les imiter aveuglément sans réfléchir. Ces paroles sont tellement claires qu'elles ne tolèrent aucune contestation ou interprétation. Par conséquent, celui qui s'accroche à tout ce qui est authentique dans la sunna, même si c'est en désaccord avec l'avis des quatre imams, ne sortira pas de leur voie ni ne les contredira. Bien au contraire, il sera celui qui les aura tous suivis et se sera accroché à l'anse ferme et indissociable. Si tu t'accroches à tout ce qui est rapporté authentiquement dans la sunna, en réalité tu suis ces quatre imams, car c'est cela qu'ils ont tous ordonné. Il dit ensuite, rahimahullah, quant à celui qui délaisse la sunna authentique, simplement parce qu'elle contredit les avis de ses imams, celui-là leur aura désobéi et ira à l'encontre de leurs propos cités ci-dessus. Ensuite, il cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, « Fala wa rabbika la yu'minun » حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Et il dit encore, subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a d'ailleurs dit à ce sujet, je suis surpris des gens qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité, puis adoptent l'avis de Sofiane, c'est-à-dire Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, un des grands imams des salafs. Puis il récita ce verset que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a cité ici. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne à châtiment douloureux. Puis l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala il a dit, sais-tu ce qu'est l'épreuve, el-fitna qui est mentionné dans ce verset? Il dit l'épreuve est le shirk, c'est le polythéisme. S'il rejette une parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, il est à craindre pour lui qu'une part de déviance atteigne son cœur et qu'il périsse. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous raffermir sur la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit, Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est un devoir pour toute personne à qui est parvenu un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dont il a compris le sens, de le transmettre aux gens, de les conseiller et leur ordonner de suivre l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il contredit l'avis d'une personnalité respectable de cette communauté. En effet, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus en droit d'être respecté et suivi que l'avis de n'importe quel grand savant qui l'aura contredit involontairement. C'est pour ces raisons que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que les générations qui les ont suivis, ont fait des reproches à toute personne qui allait à l'encontre d'une sunna authentique. Parfois, ils étaient même durs dans leurs reproches. Non pas par haine par la personne, bien au contraire, ils pouvaient l'aimer et la respecter, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur était plus cher et son ordre prévalait sur l'ordre de tout être humain. Ainsi, lorsque l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre d'une autre personne se contredisent, alors l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit passer avant et doit être appliqué en priorité. Ceci n'empêche pas de respecter celui qui a involontairement contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela lui est pardonné. Mieux encore, ce savant ne détestera certainement pas qu'on délaisse son avis s'il s'avère qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam le contredit. Donc tout d'abord, regardez la note 2 en page 34. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, il a commenté la parole d'Ibn Rajab, qui a dit parfois, ils étaient même durs dans leurs reproches. Il dit rahimahullah, ils le faisaient même avec leurs parents ou leurs savants. Il dit d'ailleurs al-Tahawi, en rapporte un exemple, ainsi que Abu Ya'la, dans son Musnad, avec une bonne chaîne de rapporteurs dignes de confiance, selon Salim ibn Abdillah ibn Umar. Salim ibn Abdillah ibn Umar, le petit-fils de Umar ibn Khattab. Il dit, j'étais assis avec Ibn Umar, le fils de Umar, donc son père, qu'Allah l'agrée, dans la mosquée, lorsqu'un homme originaire du Cham va le questionner sur le fait d'interrompre l'état de sacralisation entre la Umra et le Hajj, c'est-à-dire de pratiquer le Hajj selon le rite du Tamattu', qui est le fait de faire la Umra, de se désacraliser, puis ensuite de rentrer à nouveau en sacralisation une fois que les jours du pèlerinage commencent. Il dit ensuite, Ibn Umar lui répondit, c'est une bonne et belle chose, le Tamattu'. L'homme rétorqua, mais ton père, c'est-à-dire Umar ibn al-Khattab, l'interdisait. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, il lui alors dit, malheur à toi, si mon père l'interdisait, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et a ordonné de le faire, vas-tu appliquer l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou celui de mon père? L'homme répondit alors, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma lui dit alors, va-t'en maintenant. C'est-à-dire, tu peux y aller. Voyez que il mettait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de la parole de toute personne, qui qu'il soit. On voit ici qu'il met au-dessus de la parole de Umar, le deuxième meilleur homme de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré son rang éminent, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant la sienne. Ensuite, concernant la parole de l'imam Ibn Rajab qui a dit « Ceci n'empêche pas de respecter celui qui a involontairement contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela lui est pardonné. » Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit en note de bas de page, numéro 1, page 35, « Non seulement il est pardonné, mais en plus il est récompensé. » Selon le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala et d'autres, lorsqu'un juge émet un jugement après un effort intellectuel, un effort de réflexion, et que son jugement est juste, il a alors deux récompenses. S'il se trompe, il aura une seule récompense. Donc après avoir cité la parole d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a dit, je dis, comment ces imams détesteraient-ils cela, alors qu'ils ont eux-mêmes demandé à leurs compagnons de le faire, comme nous l'avons vu précédemment, et les ont obligés de délaisser leurs opinions, qui sont en désaccord avec la sunna. L'imam al-Shafi'i rahimahullah est même allé jusqu'à ordonner à ses compagnons de considérer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ses propres avis juridiques, même si lui-même ne les avait pas prononcés ou qu'il avait jugé différemment, comme on l'a vu à travers le hadith concernant l'annulation des ablutions pour celui qui mange de la viande de chameau à travers la parole de l'imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala. Il dit ensuite, d'ailleurs, lorsque le spécialiste du hadith, Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah ta'ala, a rassemblé les questions sur lesquelles chacune où toutes les quatre écoles étaient en désaccord avec des hadiths authentiques. C'est-à-dire, il a réuni tous les avis des quatre écoles qui s'opposent à des hadiths authentiques, dans un seul volume immense, dans lequel il a dit en introduction, « L'attribution de ces avis aux imams est interdite. Il est donc obligatoire aux juristes imitateurs de connaître ces questions afin de ne pas leur attribuer, car ce serait un mensonge à leur égard. » Allahu Akbar. Il te dit qu'il a réuni ces avis dans lesquels les imams se sont opposés à des hadiths authentiques. Et dit ces avis, il est interdit de leur attribuer. Pourquoi? Car ils ont ordonné de suivre ce qui est confirmé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont ordonné de délaisser leurs avis si leurs avis s'opposaient au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment continuer à leur attribuer si l'on sait que cela s'oppose à des hadiths authentiques qui ne leur étaient pas parvenus? Ensuite, l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a mentionné des exemples de savants ayant délaissé la vie de leur imam pour suivre la sunna. Il dit, rahimahullah, pour toutes les raisons citées précédemment, ceux qui ont suivi les imams des différentes écoles, une multitude parmi les premiers et un petit nombre parmi les derniers, n'ont pas nécessairement suivi toutes leurs opinions. Ils ont délaissé beaucoup de ces opinions lorsqu'ils se sont rendus compte qu'elles étaient en désaccord avec la sunna. Il dit, les deux grands savants hanafites, Muhammad ibn al-Hassan et Abu Yusuf, rahimahumallah ta'ala, ont même contredit les avis de l'imam Abu Hanifa dans le tiers de ses opinions juridiques, comme en témoignent les livres de jurisprudence hanafite. On peut dire la même chose également de l'imam al-Muzani et bien d'autres parmi les élèves de l'imam Shafi'i rahimahumullah ta'ala et d'autres savants. Et s'il faut donner des exemples à ce sujet, je vais nécessairement m'attarder et m'éloigner du but que je m'étais fixé, c'est-à-dire d'être bref dans cette recherche. Je vais donc me contenter de deux exemples. Il dit premièrement, l'imam Muhammad dit dans son Muwatta, Abu Hanifa, rahimahullah, disait qu'il n'existe pas de prière pour demander la pluie, salat al-istisqa. Quant à moi, je pense qu'un imam peut diriger une prière de deux rak'a, de deux unités de prière, pour demander qu'Allah fasse descendre la pluie, puis invoquer Allah en retournant son manteau. Il a donc délaissé la vie de l'imam Abu Hanifa, pourquoi? car il a connaissance du hadith authentique rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le deuxième exemple, l'imam Isam ibn Yusuf al-Balakhi était un proche de l'imam Muhammad et parmi les fidèles compagnons d'Abu Yusuf. Il donnait souvent des fatawa qui allaient à l'encontre des opinions de l'imam Abu Hanifa parce qu'il ne connaissait pas la preuve de celui-ci. Il ne connaissait pas la preuve de l'imam Abu Hanifa, alors il ne basait pas ses fatawa sur ses avis. Il dit lorsque la preuve d'un autre savant lui parvenait, il basait son jugement dessus, même s'il ne faisait pas partie de son madhab. Il dit c'est pourquoi il levait les mains avant l'inclination et après s'en être redressé, comme le stipulent des dizaines de hadiths authentiques remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc appliqué cette sunna en dépit du fait que ces trois imams de qui il accusait la science, Abu Hanifa, Muhammad ibn al-Hassan et Abu Yusuf. Il a donc appliqué cette sunna en dépit du fait que ces trois imams avaient des opinions contraires. C'est ainsi que doit agir tout musulman, comme en témoignent les paroles des quatre imams et d'autres, comme nous l'avons vu ci-dessus. Il dit, rahimahullah, en conclusion, « J'espère que les imitateurs ne vont pas se mettre à critiquer l'orientation de ce livre et refuser de bénéficier des traditions, c'est-à-dire des sunan, le pluriel de sunna, et refuser de bénéficier des traditions prophétiques qu'il contient sous prétexte que celles-ci sont en désaccord avec la tendance de leur école. J'espère qu'ils se rappelleront les propos des imams que nous avons cités concernant l'obligation de se conformer à la sunna et de délaisser leurs opinions qui la contredisent. Il doit savoir que critiquer notre méthodologie est en fait une critique de l'imam qu'ils imitent, quel qu'il soit. Car ils ont tous appelé au suivi de la sunna, comme l'a fait l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui est revenu au hadith authentique rapporté au sujet des différents actes et paroles de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, en effet, nous avons appris cette méthodologie d'eux, comme nous l'avons montré précédemment. Celui qui se détourne de leur voie à ce sujet s'expose à un grand danger, car ceci implique qu'il se détourne de la sunna, alors qu'Allah nous a ordonné d'y revenir et de nous baser dessus en cas de divergence. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima » Non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence, c'est-à-dire la sentence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit enfin « Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous place parmi ceux qu'il décrit dans sa parole « Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma baynahum an yakulu sami'na wa ata'na » وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà ceux qui réussissent, et quiconque obéit à Allah et à son messager, et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Et c'est ainsi que se termine cette introduction bénéfique du Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala concernant la méthodologie qu'il a empruntée dans l'écriture de ce livre. À la base, je n'avais pas prévu de lire cette introduction. Je souhaitais commencer directement l'étude du livre au chapitre sur l'orientation vers la Kaaba, qui est le premier chapitre que le Sheikh rahimahullah ta'ala a mentionné concernant la description de la prière. Toutefois, étant donné le retour en France de cet appel à se restreindre à une école juridique particulière, notamment le madhhab de l'imam Malik, ou certains le madhhab de l'imam Ahmed, et autres parmi les différents appels qui se propagent ces dernières années. Chose qui auparavant n'était pas présente chez les musulmans de France ou très peu. J'ai donc jugé utile de me rappeler à moi-même, ainsi qu'à vous, ces paroles des imams à ce sujet, concernant l'obligation pour le musulman de revenir à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de la faire prévaloir sur les paroles de tout savant, quel qu'il soit, quel que soit son rang, quel que soit son statut, peu importe que tu aies appris la jurisprudence selon son école ou autre, il est impératif pour le musulman de revenir au texte du Coran et de la Sunna et de les faire prévaloir sur les opinions de toute personne. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas permis pour le musulman d'apprendre, dans un premier temps, la jurisprudence selon une école particulière, en apprenant par exemple selon un épître du madhhab de l'imam Malik ou du madhhab de l'imam Shafi'i ou de l'imam Ahmad ou autre, parmi les livres qui sont écrits à ce sujet. Toutefois, s'il te parvient un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'opposant à ce que tu as appris dans ces livres, alors il est obligatoire pour toi de délaisser cela et de ne pas t'accrocher fermement au madhhab. Aujourd'hui, on voit certaines personnes qui disent « Je suis l'avis de l'imam Malik ». Tu l'informes d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit « Oui, mais quelle est l'avis de l'école de l'imam Malik ?» Il n'y a pas de doute que ceci est un égarement évident qui s'oppose clairement aux paroles de l'imam Malik et aux paroles des autres imams, comme on l'a vu à travers ces citations que nous a mentionnées l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. C'est donc pour cela que j'ai tenu à lire avec vous cette introduction en guise de rappel à cette époque où les ambiguïtés à ce sujet sont malheureusement très propagées au sein de la communauté. Ensuite, on voit que le Shir rahimahullah ta'ala, il a signé, il a dit Damas, le 13 Jumad al-Akhira, 1370 de l'Hijr. C'est-à-dire il y a plus de 70 ans. Donc le Shir rahimahullah ta'ala, il a écrit ce livre en l'an 1370 de l'Hijr. Et en quelle année est né l'imam al-Albani rahimahullah? Il est né en 1333 de l'Hijr. C'est-à-dire qu'il a écrit ce livre alors qu'il n'avait que 37 ans. 37 ans, rahimahullah ta'ala, et vous voyez avec quelle ferveur il s'est opposé à nombre de gens pour secourir la sunna et s'y accrocher fermement, malgré le grand nombre de personnes qui s'opposaient à lui à cette époque. Il était jeune encore en âge, il n'avait que 37 ans. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient des gens de science qui ont moins de 40 ans, ils pensent que forcément, il n'a pas de science. Celui-là, il est jeune, il n'a même pas 40 ans. Regarde l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il avait 37 ans, il a écrit cet ouvrage, duquel des milliers et des milliers et des milliers de musulmans ont tiré profit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder sa pleine récompense. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Dans les pages suivantes, que je vous recommande de lire, l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, a mentionné, comme il dit, des points confus et leurs éclaircissements, c'est-à-dire qu'il a mentionné certaines objections que des gens lui ont adressées au sujet de sa méthodologie qu'il a empruntée. Il y a répondu, je vous invite donc à lire ce qui est mentionné, qui est très bénéfique. Et la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on reprendra directement à partir de la page 59 au sujet de l'orientation vers la Kaaba et on commencera l'étude de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a lu et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم